Vous avez une carte de membre de CKRL? En présentant votre carte, économisez 10 % à la librairie Pantoute, au 1100 rue Saint-Jean et au 286 rue Saint-Joseph. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. CKRL 89.1. Bonjour, c'est Michel Monette. Nous sommes en Tanzanie cette semaine pour l'émission Les Oreilles ailleurs. La Tanzanie, c'est un pays d'Afrique de l'Est situé en bordure de l'océan Indien dans la partie tropicale de l'hémisphère sud, tout juste à côté de l'Ouganda, là où nous étions il y a 2 semaines. C'était Masiki Tiko de Yukwe Zawoze. Je vous ai présenté cette petite pièce parce que celui qu'on va entendre en début d'émission, c'est le fils de Yukwe Zawoze. C'est quand même pas n'importe qui, Yukwe Zawoze. En passant, il a été reconnu mondialement grâce à Peter Gabriel qui a produit 3 de ses albums et qui l'a amené un peu partout à travers le monde. Il est une véritable légende, non seulement en Tanzanie, mais dans toute l'Afrique de l'Est. Et il a laissé derrière lui plus de 20 enfants à qui il a enseigné la musique traditionnelle, dont celui qu'on va entendre, Safiri Zawoze. Ce dernier, il s'est donné comme mission de préserver la musique Wagogo, ce qui ne l'empêche pas de la fusionner avec d'autres genres musicaux, mélangeant instruments traditionnels tels le piano à pouce ou l'imba et des instruments modernes. Safiri est le seul du clan Zawoze à parcourir le monde, mais sa famille n'en poursuit pas moins l'œuvre du père, un fabricant, dans un petit village, dans une enclave, de Bagamoyo, ça c'est au nord de Dar-el Assem, en fabriquant des instruments de musique et en enseignant aussi la musique à plein de Tanzaniens. On va écouter 2 pièces du fils Msafari Zawoze. D'abord Africa et ça va être suivi de Ramsey Wana. Commençons par la pièce Africa. Africa, Africa. Africa, Africa, yo, Africa, yo, Africa, yo, Africa, yo, Africa, yo, Africa, yo, Africa, yo, Africa, yo, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Africa, Sana, ore kanoki kuta, yamani nangaika. tetea. Stack your free crack up potea. La la la la la la. Ay, miziki ya duniani. Yamani nangaika mwenzenu nariawe. Yeah, Africa, yeah. Africa, yeah. Yo, Africa, yo. Africa, Matuni, desturi na zomila. Yeah, Africa, yeah. Africa, yo, Africa, yo. Africa, yeah, Africa, yeah. Africa, yo, Africa, yo. Africa, yo. Keni sisi ni wa Africa. Africa, Matuni, desturi na zomila. Keni sisi ni wa Africa. Africa, Matuni, desturi na zomila. So ya kiwe. Yeah, Africa, yeah. Africa, yeah. Yo, Africa, yo. Africa, yeah. Africa, yeah. Africa, yeah. Yo, Africa, yo. Africa, yeah. Sisi ni wa Africa. Africa. Matuni desturi na zomila. Zomila. Keni sisi ni wa Africa. Africa. Matuni desturi na zomila. Zomila. Yeah, Africa, yeah. Africa, yo. Africa, yo. Africa, yeah. Africa, yeah. Africa, yo. Africa, yo. Africa, yo. Keni sisi ni wa Africa. Africa. Matuni desturi na zomila. Zomila. Keni sisi ni wa Africa. Africa. Matuni desturi na zomila. Thank you. C'était M'Safari Zawazé Dam dans la chanson Ramsewana. Ça veut dire en gros, nos enfants sont notre futur. M'Safari Zawazé qui n'hésite pas à préserver, qui s'est donné comme mission de préserver la musique et les instruments traditionnels de son pays, mais qui n'hésite pas à faire évoluer cette musique. On poursuit avec un autre chanteur qui se situe à la fois dans la tradition et dans le modernisme. C'est Jikoman. Jikoman, c'est Jikolab Winno Manihika. C'est parmi les chanteurs tanzaniens les plus populaires dans son pays. Il a plusieurs albums à son actif. Il est de Bagamoyo, tout comme Ukwe M'Safari Awazawazi. Et aussi un autre chanteur qu'on va entendre plus tard dans l'émission qui s'appelle Ashimba. Ça me permet en passant d'ouvrir une petite parenthèse pour dire que j'ai commis une erreur en prononçant le nom d'une ville tantôt. Bagamoyo est au nord de Dar el Salem, Dar es Salaam. Le reggae est la passion de Jikoman. Il l'a fait sentir non seulement dans son pays, mais surtout sur diverses scènes partout ailleurs dans le monde. On dit qu'il n'en demeure pas moins très humide. Très humide, très humble, ce qui est tout à son honneur, vous, n'est-ce pas, vous serez d'accord avec moi. On va l'écouter, Jikoman, dans une chanson qui s'appelle Giligunda. Guliganda, guliganda, guliganda, Guliganda du chanteur Jikoman. Je vous parlais d'Ares Salam tantôt. C'est le centre économique. C'est un grand port. C'est quoi? 1 400 millions, probablement plus, probablement même plus près de 1,5 million d'habitants. C'est aussi un centre culturel important. Il y a beaucoup de musiciens qui sont basés à Dar es Salaam, dont Jikoman, dont Zawoze, dont on parlait tantôt. On va maintenant aller à l'opposé de Dar es Salaam avec Carole Kinacha. Elle est née à Longido. C'est un village qui se situe tout près de la frontière avec le Kenya. Elle est reconnue comme une pionnière de la musique fusion en Tanzanie. C'est une activiste qui fait campagne pour les droits des musiciens dans son pays, mais aussi pour que la musicien fasse partie de l'éducation des jeunes. Sa musique est un mélange de traditions Maasai et de rythmes et de mélodies plus actuelles. On va l'écouter dans une chanson qui s'intitule Doua la Coucou. D'un violon, oseriez-vous relever les empreintes digitales? 89.1 C'est une buée. Elle vous dit des choses formidables. C'est de la très très très grande poésie. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de sophistication. Mais Mais par contre, à d'autres moments, elle s'enflamme. C'est KRL. Et quand on parle du souffle, qui peut être violent ou qui peut être le murmure d'une brise légère, c'est tout autre chose. On n'est pas dans la même ambiance. Le dimanche 31 mai, c'est la marche pour l'Alzheimer. Alors le dimanche 31 mai, venez marcher le dimanche 31 mai afin d'aider les sociétés Alzheimer du Québec à soutenir les personnes atteintes et leurs proches le dimanche 31 mai. Joignez-vous à la marche le dimanche 31 mai afin d'amasser des dons pour vaincre la maladie d'Alzheimer le dimanche 31 mai. Inscrivez-vous avant le dimanche 31 mai sur marchepourlalzheimer.ca. La marche pour l'Alzheimer, c'est le dimanche 31 mai. N'oubliez pas. Lundi 1er juin, CKRL lance l'été 2015. Lance sa programmation d'été 2015. De 15h30 à 17h30, découvrez les nouveautés de la saison estivale lors de l'émission de lancement animée par Tania Beaumont en direct du Bal du Lézard, 1049 3e Avenue. Tout de suite après, venez nous rejoindre pour rencontrer l'équipe de CKRL et profiter de la prestation de Jérôme Casabon en 5 à 7. Le lancement de la programmation d'été de CKRL, c'est un peu le lancement de l'été. Cette espèce de petit moment-là qui s'étire quand il vient de se passer une catastrophe, là. Le calme après la tempête, là. Un beau piège tendu droit devant, sans peur, j'ai sauté dedans comme un con. Je trouve ça totalement magnifique. Il y a comme un côté agréable à côté d'une certaine plaie ouverte, une douleur vive, mais qui vient tellement disparaître, qui laisse tellement de la place au moment présent. Ça nous ramène tellement ici et maintenant d'avoir vécu quelque chose d'intense. Qui voudrait la paix? Sauvage et vulnérable, Simon Lachance de Raton Lover à Sentier Secret, mardi 26 mai à 10h. C'était un peu ça que je voulais exprimer dans cette chanson-là, puis il n'y avait pas d'autre choix que de la faire ultra vulnérable. Vous voulez plonger dans l'univers des arts visuels à Québec? Vous voulez aller à la rencontre de ces artisans? Ne manquez pas le seul magazine radiophonique entièrement dédié à l'univers des arts visuels, l'Aérospatial, animé par Julie Gagné. Revue de presse, sélection audio, entrevues, commentaires. Une heure par semaine pour vous faire vivre et découvrir cette discipline. L'Aérospatial, les mardis de 17h30 à 18h30 sur CKRL 89.1. Vous avez une carte de membre de CKRL? En présentant votre carte, économisez 10% à la librairie Pantoute, au 1100 rue Saint-Jean et au 286 rue Saint-Joseph. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. C'est la deuxième partie de l'émission Les oreilles ailleurs, Michel Monette avec vous jusqu'à 16h avant l'émission Topic du Capricorne qui va suivre avec Michel Bonaparte. Vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que la musique qu'on entend au début de chacune des parties de l'émission. Ben, c'est une pièce d'un groupe qui s'appelle Bachrou Leila, c'est un groupe libanais. On poursuit en notre périple, notre séjour tout au moins par les oreilles en Tanzanie, avec un chanteur qui s'appelle Ashimba. C'est un guitariste aussi, il est basé à Bagamoyo, tout comme ceux qu'on a entendus si vous étiez avec nous en première partie, c'est-à-dire Msafiri Zawazé et Jikoman. Les trois sont de Bagamoyo. Il y a véritablement pépinière là, de musiciennes, de musiciens très riches. Il est souvent présenté comme le nouveau son de la Tanzanie, Ashimba. Il a un style très particulier, ancré dans les musiques traditionnelles de l'Afrique de l'Est, enrichi par les diverses langues parlées dans la région, mais aussi sa voix agile. Il faut dire qu'en Tanzanie, pour une petite parenthèse ici, en Tanzanie, il y a tout de même quelque chose comme 120 groupes ethniques. plusieurs ont conservé la langue de son groupe, sa langue d'appartenance, mais il y a de plus en plus le swahili qui influence, qui est de plus en plus parlé, tout au moins dans les villes. La nouvelle génération de Tanzaniens parle très majoritairement swahili. Les chansons que vous entendez d'ailleurs, c'est en swahili. Donc, on va écouter une chanson de Ashimba. Ça s'écrit A-S-H-I-M-B-A, en passant. D'ailleurs, si vous vous demandez depuis tantôt, oui, mais comment je fais pour retenir ces pièces-là? On a de la difficulté même à retenir le nom. Ben, c'est pas compliqué. Vous allez sur le blog lesoreillesailleurs.net, c'est le blog de l'émission. Les oreilles ailleurs en un seul mot, point net. Et là, vous allez avoir l'ensemble, un peu plus tard après l'émission, peut-être quoi, une demi-heure, une heure après l'émission, vous allez avoir l'ensemble des pièces qui ont joué aujourd'hui avec les artistes. Et vous allez pouvoir reculer dans le temps jusqu'au tout début de l'émission en décembre 2013. Et oui, l'émission est en cours depuis décembre 2013. Là, on va prendre une pause cet été. J'ai choisi de prendre une petite pause estivale, mais je vais sûrement, avec plaisir, revenir l'automne prochain, si ça fait toujours dans la programmation de CKRL. Ça va me faire grand plaisir de revenir l'automne prochain. Mais disons que ça fait du bien d'arrêter aussi de faire autre chose. Je ne vous dis pas pour le moment ce que je vais faire cet été. Vous allez le savoir lundi prochain. Vous l'avez vu pendant la pause publicitaire. Hein, il va y avoir une émission spéciale lundi 1er juin. Vous allez tout savoir ce que chacun va faire, les émissions qui demeurent, les nouvelles émissions, les émissions d'été. Et la mienne va faire partie d'une nouvelle émission d'été. Donc, on écoute Ashimba dans la chanson Oug Wado. Asili ya Mwafrika tulikozali wasie asali na maziwa. Lekage kubadukila vana vimwehe vana bamukaya kaya imwehe ikalagi na boki soga. Kisoga mayume kila lushiku naliyomba ganene mwana wangu mwana wako twikashe nabo kisoga kisoga kisoga niwele lolini linaliyomba ganene kubashina kubatula kubashina kubatula kubashina kubatula Kumashina kubatula mayuwelele Mwana wangwiyo mwana wakobe Shiku jose javu panga wakobobobo Tikashe nabu kisoga ise Na boki soka ise Kuntula mwana wangu iwe kikisoka Bana bose bana mise bose bebebe Kumashina kubatula Kumashina kubatula Kumashina kubatula Kumashina kubatula Sukari, asari, tamu na kole, changanyi kole Sukari humo homo, ukwaju tamu tamu Matunda mengi mengi, utamu na kole Asari utamu tamu, ukwaju ukwaju tamu Ukwaju asari asari me Sukari, maembe Sisi Tanzania tunasonga Kamata, kamata, mizike tunapiga bebe Ashimba dans la chanson Oug Wadou, c'est tiré d'un album qui s'appelle Wakukaya. C'est un album que si vous mettez ça sur Play chez vous, si vous faites jouer cet album, vous allez vous rendre jusqu'au bout. C'est un très bon album. On va écouter une autre pièce d'ailleurs tirée du même album et il ne sera pas seul. Il va être avec un véritable monument de l'île Zanzibar. Elle s'appelle Bi Kidude. Elle s'appelait parce qu'elle est décédée, hélas, en 2013. Elle avait tout près de 100 ans, dit-on. C'était une légende vivante, comme Ukwe Zawose. Elle était une égérie zanzibari du Tarab. Ça, c'est une musique traditionnelle de Zanzibar qui a été traduite au 19e siècle par des sultans arabes. Elle a aussi su défier les hommes pour poursuivre sa carrière de chanteuse parce que c'est pas évident sur l'île de Zanzibar, c'est pas du tout évident de faire carrière quand on est une chanteuse. Pas seulement parce que c'est mal vu qu'une femme chante dans plusieurs régions musulmanes plus traditionnelles, mais aussi parce que y a plein d'hommes qui lui demandaient de coucher avec elle carrément ou qui demandent aux chanteuses de coucher avec elle carrément. Pour qu'ils puissent faire jouer leur musique à la radio, qu'ils puissent enregistrer leur musique dans des studios d'enregistrement. C'est comme ça là-bas. Bon, certaines vont me dire que c'est comme ça ici aussi, mais enfin, passons. Bi Kidude, son vrai nom, c'est Fatouma Binti Baraka. Ça voulait dire petite chose, mais elle était loin d'être la petite chose que son surnom désigne en Swahili. On va l'entendre dans une chanson qui s'appelle... Kid Jana. Et on va aussi l'entendre dans une autre chanson, mais par un autre groupe, lui qui est de Zanzibar aussi, qui s'appelle Offside Trick. On va l'entendre dans la chanson Hamada. Donc, Hamada, mais précédé de Kid Jana. Mbinde atwete afike kule Anapenda mali kutoka ugenini kule Mara aende nchi nyingine Nyumbani ni nyumbani Kuto kujitambua ugonjwa mbaya sana Wadiriki kuiponda siri yako Unapenda mali kutoka ugenini kule Mara uende Ubora wa uthamani wa mali za mtanzania be Viwango halisi vya kujitangazia be Kijana wakuwaza maisha Kwa mbinde atwete afike kule Anapenda mali kutoka ugenini kule Mara ende nchi nyingine Nyumbani ni nyumbani Ubora wa uthamani wa mali za binti Tanzania Viwango halisi vya kujitangazia be makembe hereni na chinochi viatu vya ngozi za mgogo ubunifu wa mali za binti wa nyumbani we viwango halisi vya kujitangazia be ubunifu wa mali za kijana Tanzania be viwango halisi vya kujitangazia ye bebe bana bise watugu bise bana bise watugu bise tikashe na mokisoka tikashe na mokisoka Mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, chini ya mti anachonga vinyago, anatafuta riziki yake kwa mpango. Mawe ni siha ya mawindo za madamu na kumbuka maisha babu mie. Babu alitetea haki za wanyonge, Mola amtegemea kwa sara zake. Mateso manyanyaso tumwa ni kule, kulimishwa mashamba kuto kucha ye. Mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube, mayube. C'était la voix de Big Dodé. Elle est accompagnée des Offside Tricks, un groupe qui s'est formé en 2001 sur l'île de Zanzibar et qui est depuis a migré vers la ville de Dar es Salaam. Biki Dodé n'est pas la seule avec qui Offside Trick a fait des chansons. Il y a aussi une jeune zanzibarienne qui s'appelle Baby G. Elle est toute jeune et elle suit un peu les traces de Biki Dodé, mais par contre, elle va plutôt du côté de la musique hip-hop que de la musique traditionnelle. On écoute la chanson Kidoudou M'tou.